sur la première Crazy. Bon appétit si vous êtes à table, il est midi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Gaël Le Dantec. Bonjour Gaël. Et bonjour Ygritte, bonjour à tous. 232 armes en 4 semaines. L'opération Déposer les armes, commencée il y a un mois, a permis à des dizaines de Réunionnais de se débarrasser d'armes non déclarées sans être poursuivies. Le travail a repris au CHU. Les grévistes des hôpitaux de la Réunion ont obtenu des assurances sur le remplacement des salariés absents et la titularisation de plus de 170 précaires. À Saint-Gilles, une partie des bateaux Grand Bleu reste à quai. Les capitaines demandent des augmentations de salaire. Vous entendrez leur point de vue dans un instant. L'alcool sera-t-il bientôt un peu plus cher à la Réunion? La députée Monique Orfait a déposé un amendement dans ce sens pour lutter contre l'alcoolisme. Les demandes de la Saint-Pierroise et de l'Excelsior n'y ont rien fait. La finale de la Coupe régionale de France se jouera bien à Saint-Denis, dimanche. Et puis J-2 pour le Grand Raid. Marcel Puig sera sur la ligne de départ avec quelques ambitions pour son retour, vous l'entendrez. 232 armes et plus de 6000 munitions remises dans les commissariats et gendarmeries de Lille. Un mois après le début de l'opération Déposez vos armes, les services de la préfecture dressent un premier bilan satisfaisant. L'opération, je vous le rappelle, vise à inciter les Réunionnais à se débarrasser des armes qu'ils détiennent illégalement. Alors, quel type d'armes ont été récoltées ces 4 dernières semaines? Élément de réponse avec Antoine Garnier. Les plus remarquables sont la roquette déposée à la gendarmerie de l'entre-deux fin septembre et l'obus ramené à la brigade de Saint-Gilles-les-Bains à la même période. Deux engins explosifs vieux de plusieurs décennies mais pouvant encore présenter un danger. Aucune sanction ne sera prise contre leurs détenteurs, c'est le principe de l'opération. En revanche, ils ont commis une erreur, rappelle la préfecture, car s'agissant d'explosifs, il est demandé à la population de ne pas les déplacer et de prévenir la gendarmerie ou la police afin que l'arme soit prélevée en toute sécurité. Pour le reste, sur les 232 armes déposées depuis le 15 septembre, 14 sont des armes blanches, des épées mais aussi une baïonnette. Le reste étant composé d'armes diverses allant du gomme-cogne au fusil de chasse en passant par le revolver et la carabine. Souvent, ces armes sont déposées avec leur lot de munitions. La préfecture note qu'une bonne partie des Réunionnais venus déposer des armes se sont retrouvés en leur possession suite au décès d'un proche. Un héritage parfois embarrassant dont vous pouvez vous séparer sans risque de poursuite jusqu'au 15 décembre. Antoine Garnier. Une Saint-Pouloise de 28 ans a été mise en examen hier pour tentative de meurtre lors d'une dispute. Elle aurait poignardé son conjoint. Ça s'est passé ce week-end à Plateau-Caillou. Pour son avocat, elle n'a pas voulu tuer son mari, mais elle a été placée en détention provisoire. Et puis hier, deux adolescents de 13 et 15 ans étaient grièvement blessés dans un accident de voiture. Selon nos confrères de la presse en ligne, ils étaient seuls dans un 4x4 à Saint-Gilles-Léo et auraient fait une sortie de route. Et puis ce matin, à Cap-Laoucé, 5 hectares de broussailles sont partis en fumée. Les personnels de l'hôpital de Belle-Pierre ont mis fin cette nuit à leur mouvement de grève démarré il y a une semaine. Ils réclamaient plus de moyens, des effectifs. Ils ont obtenu en partie gain de cause. Après avoir été reçus et entendus dans la matinée d'hier par le préfet, une délégation de l'intersyndicale Force ouvrière CFTC et UNSA a de nouveau rencontré le directeur général du CHU, Lionel Calange, hier après-midi. Une quatrième réunion de négociation qui a donc finalement permis de trouver un accord. Daniel Dombreville. C'est bon, nous avons signé. Nous avons signé. Après près de 4 heures de négociations avec le directeur général du CHU, l'intersyndicale affiche sa satisfaction. Elle vient de signer un accord qui met fin à 8 jours de grève. Un accord qui répond à leurs principales revendications, en particulier celles qui concernent le manque d'effectifs et l'épuisement des personnels. David Belda de Force ouvrière. Le directeur s'est engagé à intervenir directement dans les services à forte tension, avec une activité et avec une mauvaise gestion du planning, pour faire en sorte que le personnel soit remplacé avec des mensualités de remplacement. Autre satisfaction des grévistes, elle concerne cette fois les salariés précaires. Ils représentent plus de 23% des effectifs des hôpitaux. Le directeur du CHU, Lionel Calange. L'engagement pris par la direction du CHU, c'est d'assurer la mise en stage, la titularisation de 176 contractuels le 31 décembre 2016. Une centaine d'embauches supplémentaires est déjà envisagée, mais tout dépendra du montant de l'aide exceptionnelle accordée par le ministère de la Santé. Nous n'obtiendrons d'ailleurs, je vais rappeler aux grévistes, un accompagnement que si le CHU est crédible et s'est porté au niveau de l'État, de sa capacité à avoir un retour à l'équilibre dans les 4 années qui arrivent. Le CHU accuse en effet un déficit de 20 millions d'euros, mais pour les salariés, l'essentiel, c'est que la porte soit ouverte. Un grand combat, mais le combat n'est pas fini, madame. Une rencontre pourrait avoir lieu avec la ministre de la Santé d'ici la fin de l'année. Daniel Dombreville. La grève, en revanche, n'est pas terminée pour le personnel de la société Croisière et Découverte. Les bateaux Le Grand Bleu, qui proposent des balades en mer, sont à quai depuis samedi à Saint-Gilles. Les capitaines demandent des augmentations de salaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires entamées depuis un mois. Bruno Jallet est capitaine de Grand Bleu. Il est également délégué syndical UR974. Nous demandons une remise à niveau des salaires des marins, qui est en dessous du salaire forfaitaire, d'environ 900 euros. Nous demandons cela depuis maintenant plusieurs années. Rien n'y fait, il n'y a pas eu d'augmentation. Et la direction considère que nous sommes déjà trop payés, c'est-à-dire qu'un capitaine de Grand Bleu touche environ en net, je parle en net, 1450 euros en moyenne, et qu'un chauffeur de bus, il nous compare donc à un chauffeur de bus, et qu'on n'a pas gagné plus, vu notre niveau scolaire. On est responsable de nos passagers, environ une soixantaine de passagers sur les Grands Bleus. Depuis l'embarquement jusqu'au séjour en mer et au débarquement, avec une navigation côtière demandant de toute attention, et il n'y a pas de raison que l'on soit pénalisé sur ce point-là. Bruno Jallet, capitaine de Grand Bleu, délégué syndical, interrogé par Hubert Debeu, le syndicat qui a demandé la médiation de l'inspection du travail. Peut-être bientôt l'alcool plus cher à La Réunion, une mesure pour lutter contre l'alcoolisme. Le projet de loi sur l'égalité réelle outre-mer a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il doit maintenant être approuvé par le Sénat. La députée Monique Orphée a obtenu du gouvernement qu'il reprenne à son compte des amendements pour plus d'égalité sociale à propos des petites retraites, du complément familial ou des travailleurs indépendants. Elle a également obtenu le vote de l'interdiction des publicités pour l'alcool à proximité des établissements scolaires et compte aller plus loin sur ce terrain à l'occasion du vote du budget de la Sécurité sociale. Monique Orphée. Quand on voit le nombre d'accidents de la route causés par l'alcool, est-ce que vous croyez que moi, en tant qu'élu, je dois rester inactive là-dessus? Donc, je pense qu'on doit agir et dès le plus jeune âge, il faut commencer à sensibiliser. Et sensibiliser, c'est agir sur toutes ces publicités qui envahissent notre territoire, notamment en période de fête, et agir aussi peut-être sur le prix de l'alcool parce que le combat n'est pas terminé. J'ai demandé un rapport sur l'impact notamment de l'alcool pas cher sur la consommation excessive. J'ai obtenu ce rapport et demain, j'irai plus loin parce qu'on a la loi sur projet de loi de finances de la sécurité sociale qui va être examinée la semaine prochaine. Et j'ai déposé un amendement justement pour qu'on augmente la vignette sur l'alcool. Monique Orphée, la députée socialiste qui était l'invitée de Devant la Réunion hier soir. On passe au sport avec du foot d'abord. La finale de la Coupe régionale de France se jouera bien à Saint-Denis. Le président de la Ligue, Noël Vidotte, a rencontré les deux finalistes pour un éventuel déplacement de ce match à Saint-Pierre tel qu'il le voulait. Mais les représentants de l'Excelsior et de la Saint-Pyroise n'ont pas réussi à le convaincre, en cause notamment l'impossibilité de contrôler les entrées en pleine période de Vigipirate. Impossibilité également de faire respecter l'arrêté préfectoral sur les boissons alcoolisées. Carl Sivat. Tout ça pour ça, c'est le sentiment aujourd'hui du côté des cigognes et des tangos montés hier à Saint-Denis pour une rencontre avec le patron du football pays dans l'espoir de voir la finale régionale de la Coupe de France programmée au stade Michel Volnay à Saint-Pierre. Les deux finalistes n'ont eu cesse de réaffirmer leur volonté de disputer ce match de gala aux accents de derby à Saint-Pierre, occasion pour les supporters, du fait de la proximité, de remplir le stade. Après avoir reçu et écouté les présidents des clubs et représentants de la Civis, gestionnaires du stade, la Ligue régionale de football et son président, Noël Vidotte, ont confirmé que la finale se jouera bel et bien au stade de l'Est, arguant de problèmes de sécurité à Volnay, l'impossibilité de faire respecter un arrêté préfectoral concernant la vente d'alcool et puis l'absence d'éclairage à Volnay. Direction Saint-Denis donc pour les deux formations, reste à savoir si l'impact populaire souffrira de cette décision qui ne serait pas du goût des supporters de l'Excelsior et de la Saint-Pierroise. Voilà, l'Excelsior face à la Saint-Pierroise, ce devrait donc être normalement, si tout va bien, dimanche à 16h au Stade de l'Est Jean-Yvoula. J-2 avant le départ de la Diagonale des Fous, 5665 concurrents sont inscrits sur les trois courses de l'édition 2016, le Grand Raid et ses titres, le Trail de Bourbon et la Mascaragne. Ils sont très nombreux donc, anonymes, à peaufiner les derniers détails. Avant le grand départ, nous en avons rencontré quelques-uns du côté de Saint-André. Ils se surnomment la Team Colosse, une quinzaine d'amoureux du trail qui vont s'aligner sur les trois courses au programme. C'est un reportage de Pascal Taillamé. Et arrivé à Debras, ravito. Et à Dedan, ravito très important. Et à partir de Dedan, on lâche les chevaux. Les conseils, Stéphane les donne volontiers à ses partenaires d'entraînement. Il est vrai que la Team Colosse, c'est avant tout une bande de copains. Laurence, qui a rejoint la team récemment, peut témoigner de cet esprit d'équipe. Ça permet de faire le plein d'ondes positives, oui, de motivation. Tout le monde derrière qui espère qu'on terminera dans de bonnes conditions. Ils se retrouvent donc une dernière fois avant le grand rendez-vous autour d'un petit déjeuner. Si l'ambiance se veut festive, on reste concentré et sérieux. Après tant de sacrifices, tout le monde se dit prêt. C'est ce que nous confirme David. C'est un très gros sacrifice. Hein. Ça coûte quand même extrêmement cher. Sur les courses, on ne gagne rien. Donc c'est vraiment se faire plaisir. Quoi. Physiquement, ils sont prêts. Ils sont entraînés pour. Maintenant, reste à voir le choix. Du sérieux, il en faut également au niveau de l'assistance. Margot, copilote de rallye habituellement, prend ce rôle très à cœur. Ah si, on est stressé. Moi, je pense que je suis aussi stressée que les coureurs. Et voilà, il faut un timing parfait. Surtout quand les coureurs arrivent et qu'ils vont commencer à manquer de lucidité, que nous, on sache ce qu'il faut faire, ce qu'il faut leur donner et tout ça. Donc on a une grosse pression, on fait partie de la course. Toute cette bande de joyeux larrons n'a qu'une envie, se faire plaisir et surtout terminer ces épreuves qui deviennent, au fil des ans, mythiques. Et du côté des prétendants à une bonne place cette fois-ci, avec 5 victoires au compteur, on la considère comme la reine du Grand Raid, Marcel Puy, la plus titrée chez les femmes. Mais après la naissance de son garçon, Julien, il y a 3 ans, la possessionnaise avait peut-être voulu reprendre trop tôt la compétition. Résultat, blessure et abandon. Mais avec 6 victoires sur 6 courses préparatoires cette année, 2016 pourrait être propice à ce grand retour. Elle s'attaque au Grand Raid, en tout cas avec plus de sérénité. Ben, c'est vrai cette année, mais vraiment meilleure que les autres années précédentes. En fait, toutes les années, peut-être, c'est dû un petit peu par rapport... Cette année m'a beaucoup renforcée, fait du renforcement. Donc, voilà, ça va. Disons préparateur, même, ben, moi, c'est en salle toute seule, hein, avec un camarade. Et puis, il y a des entraînements sur piste. C'est le club Capos que depuis 27 ans que je suis au club. Donc, les entraînements, c'est avec Edina Rayanin, Olivier Parmentier, ben, tout le club du Capos. Et puis, les autres entraînements du long, par exemple, le week-end, c'est avec Bella Team Prudence Créole, Freddy Thévenin, Christopher Camachotti et Wilfried Ouledi. Voilà, Marcel Puy, la favorite, en tout cas une des grandes favorites de ce Grand Raid 2016. Elle était l'invitée de la matinale, interrogée par Louis Mussard. Une interview à retrouver dans son intégralité à 13h30. Et puis vous le savez, le Grand Raid, c'est bien sûr à suivre sur Réunion Première. Les titres de l'actualité nationale et internationale maintenant avec France Info. Un défilé de voitures de police, gyrophares allumés et sirènes hurlantes cette nuit sur les Champs-Élysées à Paris. Une scène insolite, manifestation surprise de 500 policiers exaspérés d'être pris pour cible. Avant cette manif, ils s'étaient rassemblés dans le calme devant l'hôpital parisien où est soigné leur collègue gravement brûlé lors de l'attaque à Viry-Châtillon. En réponse aux parents d'élèves agacés de voir des profs absents qui ne sont pas remplacés, eh bien la ministre de l'Éducation dévoile ce matin plusieurs mesures. Najat Vallaud-Belkacem doit notamment annoncer le recrutement de 1500 profs remplaçants. 3500 ont déjà été embauchés depuis le début du quinquennat. La Russie et le régime syrien arrêtent les bombardements sur la ville d'Alep. La trêve est anticipée. La Russie avait promis un répit de quelques heures, mais cette trêve devait avoir lieu après-demain. Les Russes veulent laisser la possibilité aux habitants de fuir cette ville qu'ils pilonnent depuis des semaines pour faire tomber les rebelles. Leonardo DiCaprio continue son tour du monde pour mobiliser contre le réchauffement climatique. La star hollywoodienne était hier soir de passage à Paris pour présenter son film « Avant le déluge ». Le temps presse, la Terre a besoin de notre aide, insiste l'acteur américain qui estime que l'accord de Paris sur le climat ne suffit pas. Les sports, on va connaître ce midi le tracé du prochain Tour de France. La grande boucle 2017 partira de Düsseldorf en Allemagne. Et puis en football, soirée Ligue des Champions, Lyon reçoit la Juventus de Turin. Monaco, de son côté, se déplace au CSKA Moscou. Il est midi et 13 minutes. Bonjour Ingrid. Bonjour Gaël, comment il est ? Ben ça va, la météo c'est comment ? La météo c'est tout de suite. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Il va faire beau. Oui, il fait beau parce que cet après-midi, quelques nuages apparaissent sur le relief, mais sans incidence sur les précipitations. Et puis au fil des heures, ces nuages vont s'étaler sur le littoral entre l'étang Salé et Saint-Pierre. Côté température, le mercure monte jusqu'à 26 degrés à Sillaos, 19 degrés au Pas-de-Bellecombe et il oscillera entre 27 et 30 degrés sur le pourtour du littoral. Le vent d'est nord-est reste assez faible, sauf de la Grande Chaloupe au Cap Laoucé et à Saint-Philippe. Les rafales peuvent atteindre 40 km/h. La mer est peu agitée à agiter. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Le saviez-vous ? L'eau fait pousser la canne, dont les racines filtrent l'eau. Maintenant, vous savez pourquoi la filière canne-sucre est indispensable à notre environnement. Filière canne-sucre au cœur de la Réunion. Première. Pendant cette période de vacances scolaires, vous le savez, on vous rediffuse des émissions, c'est dans l'actu. Aujourd'hui, le numérique pour lutter contre l'illettrisme, Internet et les nouvelles technologies envahissent notre quotidien. Une difficulté supplémentaire pour les plus de 100 000 illettrés à La Réunion, à moins que ces outils deviennent un atout. C'est dans l'actu, rediffusion de l'émission du 5 septembre avec Philippe Dornier et ses invités. C'est un problème qui touche presque 15% des 16-25 ans à La Réunion. L'illettrisme reste à un niveau très élevé dans notre département. À titre comparatif, en France, on compte 4,3% d'illettrés contre donc 14,8% ici. Un chiffre local en léger recul, ceci dit, 2 points de moins en l'espace de 5 ans, mais il reste encore 116 000 personnes en situation d'illettrisme sur notre île. Un véritable handicap pour toutes celles et ceux qui cherchent du travail. Une mobilisation pour que le numérique profite à tous, comme le programme, le slogan de l'événement. Comment permettre l'accès du plus grand nombre aux ordinateurs ? Les dispositifs existants sont-ils efficaces, notamment les casalires initiés par la région ? Comment le RSMA peut-il aider à remettre sur les rails des élèves en échec scolaire ? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. Trois invités avec nous ce midi. Valérie Bénard, bonjour. Bonjour. Conseillère régionale déléguée à l'égalité des chances. Le colonel Jean-Vincent Berthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commandant du RSMA à La Réunion, le régiment du service militaire adapté. Et puis Johnny Dijoux, responsable du CIRIL, bonjour. Bonjour. Le CIRIL, c'est le centre de ressources sur l'illettrisme, une structure attachée au CARIF OREF qui est chargée de l'information sur la formation professionnelle. Les casalires Valérie Bénard se sont retrouvés sous les feux de l'actualité. Nassima Dindar y a dit, ou y aurait dit, que les casalires ne servent pas à apprendre à lire. Est-ce qu'elle dit vrai ? Est-ce qu'elle a dit ça ? Est-ce que c'est bien ça ce qu'a dit Nassima Dindar, la présidente du département ? En effet, les casalires sont sur le feu de l'actualité ces derniers temps parce que, effectivement, elles n'apprennent pas qu'à lire. Effectivement, les casalires ne sont pas là que pour apprendre à lire. Il faut savoir qu'une personne... Mais elles sont là aussi pour apprendre à lire ? Pas que. Vraiment, on est vraiment sur de la remobilisation, sur des gens qui sont très éloignés de l'écrit et qu'il faut avant tout réconcilier avec les apprentissages avant de pouvoir leur apprendre quelque chose. Donc Nassima Dindar n'a pas dit tout à fait juste. Elle n'a pas dit faux non plus. Les casalires ne sont pas là pour apprendre à lire et à écrire. Elles sont là pour commencer à réconcilier les gens aux apprentissages. C'est vraiment la première marche avant tout le reste. Est-ce qu'au RSMA, on apprend à lire à certains jeunes qui arrivent, colonel ? On n'apprend pas à lire. On les aide à... On fait de la remise à niveau scolaire, mais c'est bien de la remise à niveau, puisque au RSMA de la Réunion, mais sur l'ensemble des régiments de services militaires adaptés dans les Outre-mer, on a un minimum de 30% de jeunes en situation d'illettrisme, puisque c'est le ministère des Outre-mer qui nous demande de recruter au minimum ces jeunes. Et à la Réunion, plus spécifiquement, ça représente environ 36% de ces jeunes. Ça veut dire que vous allez au-delà du constat que vous faites vous-même, puisque le chiffre que j'indiquais tout à l'heure, 14,8%, il vient du RSMA à travers ce qu'on appelait avant les journées d'appel et qui sont maintenant baptisées journées de défense et de citoyenneté. Donc vous confirmez ces chiffres, 14,8% aujourd'hui chez les 16-25 ans contre 16,9% il y a 6 ans. Moi je ne peux vous confirmer que les chiffres du SMA et notamment du SMA de La Réunion. Pourquoi ? Parce que les chiffres auxquels vous faites appel, ils sont sans doute très justes. Ce sont les chiffres de La Réunion je crois. Ce sont les chiffres qui sont les chiffres des JDC et ça ce sont des chiffres qui appartiennent, qui sont faits pendant les journées de défense et citoyenneté, mais c'est un dispositif qui est certes piloté par la Défense, mais ces chiffres appartiennent au ministère de l'Éducation nationale. Donc nous, les chiffres que je vous donne, moi, ce sont les chiffres de recrutement au SMA de La Réunion, c'est 36% de jeunes, ça représente chez nous pratiquement 400 jeunes par an. Voilà sur quels les chiffres je peux évoquer. Je peux pas me placer sur les autres, mais je pense qu'on est juste sur les autres chiffres. Et on aura l'occasion de parler de ce que font les jeunes au sein du RSMA. De votre côté, Johnny Dijoux, c'est quoi les dernières données que vous avez sur l'illettrisme? C'est 116 000 personnes qui sont frappées par ce fléau. Oui, ce sont les chiffres qui ont été publiés par l'INSEE en octobre 2013, suite à l'enquête de 2011. Donc 116 000, ça représente 22,6% de la population âgée entre 16 et 65 ans. Est-ce qu'on observe une évolution dans un sens favorable ou non? Déjà, par rapport à l'indicateur que vous venez de donner chez la tranche 16-25 ans, les jeunes JDC, donc c'est une tendance à la baisse petite, mais bon, c'est quand même un espoir. Donc on pourrait extrapoler et dire qu'au niveau de la population générale, c'est aussi dans cette même tendance. On sera mieux fixé à la prochaine enquête IVQ. Alors l'opposition à la région, Valérie Bénard, dit que ces structures sont fortement subventionnées et qu'elles ne s'adressent pourtant qu'à 3% de ces 116 000 personnes illettrées recensées à La Réunion. Qu'est-ce que vous répondez ? Je préfère ne pas répondre à ce genre d'attaque, mais il n'y a pas que les Casalires qui sont là pour accompagner les jeunes en situation d'illettrisme. Il y a aussi des centres de formation, il y a bien d'autres dispositifs. Les Casalires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la première marche pour des gens qui sont dans leur quartier, qui pour l'instant ne se sont pas encore déplacés et qui donc dans leur quartier trouvent une solution à leur situation d'illettrisme. Il faut savoir que lorsqu'on est en situation d'illettrisme, c'est avant tout une souffrance, c'est quelque chose de difficile à gérer au quotidien. Il va falloir faire appel à quelqu'un pour répondre à un mail, pour remplir son dossier de la CAF, pour remplir son dossier de Pôle emploi. Et donc les Casalires sont directement dans les quartiers pour donner confiance aux gens avant tout. D'accord, donc il n'y a pas lieu de changer le nom pour finir, hein, on va pas passer l'émission là-dessus, mais il y a une élue de l'opposition qui dit qu'il faut appeler ça les cases de socialisation. Non, il n'y a pas lieu de changer les noms, il faut vraiment aller voir ce qui se fait dans les Casalires parce que aujourd'hui, dans certains quartiers, il ne reste que la Casalire pour permettre à ces publics, et je me répète, qui sont en souffrance tous les jours, de trouver des réponses et de pouvoir reprendre confiance en eux et du coup reprendre les chemins des apprentissages. Alors on a un premier texto au 06 92 70 2000, un auditeur, une auditrice qui nous dit comment en est-on arrivé à cet effarant taux d'illettrisme dans notre île, à qui la faute, à l'éducation nationale, point d'interrogation, à la méthode d'apprentissage, les enfants Pula EXA, ce fléau est-il plus urbain, rural, pour quelle tranche d'âge? Voilà beaucoup de questions. Est-ce que vous avez une idée pour répondre à cette personne, Valérie Bénin? Comment on en est arrivé là? On est encore effectivement en train de faire des études au niveau de la collectivité pour savoir où est-ce qu'on en est. Je pense que Johnny a peut-être plus d'informations au niveau des chiffres sur les tranches d'âge et ce genre de choses, puisque c'est vraiment à ça que sert aussi le centre de ressources qui est au Carrefour F. Johnny Dijoux. Oui, je peux tenter d'apporter une partie d'éclairage. Disons qu'il faut savoir que déjà que le taux d'illettrisme il est plus élevé chez les tranches d'âge au-dessus de 50 ans. Ça veut dire que c'est quand même un héritage de notre système éducatif qui a été développé tardivement comparativement à la métropole. Ça, c'est un fait historique. Et puis, plusieurs paramètres effectivement rentrent en jeu. Il y a le fait aussi que la majorité des personnes en situation d'illettrisme, si ce n'est la totalité, est issue de familles très défavorisées. Et avec un manque de stimuli vis-à-vis du rapport à l'écrit, et aussi une rupture relation famille-école, qui ne facilite pas non plus l'apprentissage des enfants. Après, concernant l'école même, au niveau des méthodes d'apprentissage, les méthodes ont évolué, puisque maintenant, au niveau scientifique, on est sûr qu'il faut passer par le travail sur les phonèmes, donc la syllabique, mais sans être décontextualisé, pardon. C'est-à-dire pas faire du syllabique de manière abstraite, mais du syllabique à partir des phrases qui ont du sens, pour que ça prenne vraiment ancrage chez l'élève. Et puis, peut-être, ça c'est une hypothèse, peut-être que chez une partie des élèves, l'approche scolaire n'est peut-être pas appropriée, c'est-à-dire certains élèves ont besoin de concret, de matières concrètes, des activités manuelles, théâtrales, Et là, je fais un parallèle avec ce qui se passe au niveau des cases à lire. L'entrée activité socioculturelle est une bonne approche pour attirer les gens vers l'apprentissage. On va aller au standard 02 62 99 2000. On accueille Yannick de Sainte-Suzanne. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde sur le plateau. Bienvenue sur Réunion Première, on vous écoute. Mais justement, je tiens à remercier quelqu'un parmi les invités. Que Lim, il pense qu'il va passer ce petit message à toutes les personnes de la caserne. Je tiens à remercier Lim, bien sûr, parce qu'avant, mais tu connais pas trop bien Lim. Vous parlez du colonel Jean-Vincent Berthe, le commandant du RSMA. Ah ben ça, mais franchement, je tiens mon chapeau. Je remercie tout l'ensemble du 4e RSMA, parce que c'est grâce aux autres communes-là, il fait déjà 12 ans qu'on était au 4e RSMA. On a pu aller au centre de formation, avoir mon CAP peintre bâtiment. Maintenant, mais le bruit professionnel. Et voilà, quoi. On a bien gagné en sortant moi, quoi. Eh ben, très bien, félicitations. Vous faites partie des trois quarts de gens du SMA qui s'en sortent en sortant du SMA et bravo à vous. Merci bien. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, Yannick? Comment ça s'est passé à votre niveau? À mon niveau, je ne connais pas grand-chose, quoi. En fin de compte, les bons calculs, tout cela. En fin de compte, l'école, pour moi, c'était pas primordial pour moi. L'école, c'était le dernier cas de mes soucis. Mais ça va à l'école parce que mes parents étaient déjà monétaires d'aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Mais moi, c'était plus manuel. Et justement, quand on arrête l'école à l'âge de 16 ans, et maintenant 38, on arrête l'école à l'âge de 16 ans, je dis bon, allez, on aller au centre de formation, et tout comme ça, pour mes CAP, ma passe de CAP ministre et ministre, maçon, après, je vois que c'était pas des branches qui étaient pour moi, on a lancé mon 4e SMA, on a passé là-bas, on a signé un contrat sur les hommes, tu veux pas rentrer dedans, et ben, on aime ce métier-là, mais maintenant, on a appris à lire, bien lire là-bas, on a compté, et en plus que ça, les personnes de là-bas, ils gênent pas sorte, quoi. Ils appellent là, justement, à Puyahou, ils appellent là, dessous d'eau, ils veillent à où, sous les langues, ils parlent leur rythme. Et en fin de formation, avec votre enseignement, on a des journées portes ouvertes, on a des entreprises qui viennent, on te comprend. Et c'est ça l'avantage que, mais ça pas dit que les LAFPA, les CFA, les trucs comme ça, ils donnent pas où. Mais voilà, quoi. C'est un suivi total du début jusqu'à la fin, et ça m'a bien aimé. C'est la cohésion, comme il dit. Et ils marchent ensemble, et ils lâchent pas la fesse jusqu'au dernier bout. Une question, Yannick, le thème cette année de ces journées contre l'illettrisme, ça concerne le numérique. Est-ce que vous utilisez facilement tout ce qui est numérique, ordinateur, internet, etc.? Franchement parlé, le numérique, oui, on va dire dans un sens, oui, c'est-à-dire au niveau du portable, parce que le clavier d'un ordinateur normal, parce qu'avec les escouliers, des fois, on fait des slashes par rapport au clavier, mais avec un portable tactile, le plus facile, parce que les lettres graphiques, tout comme ça, les plus aptes au sens de, on peut débrouiller facilement, on peut envoyer des mails, que dessus un lieu de travail, on met des mails, tirer des photos, faire des trucs comme ça. Le numérique, les top des top. Donc, après, si un ordinateur fixe, maison, des trucs comme ça, mais ça, il y a pas en fur et à mesure. Mais moi, je me partirais plus sur les principes tactiles avec tout comme ça. Donc, le numérique, c'est au top. Merci de nous avoir appelé de Sainte-Suzanne pour nous faire partager votre expérience, Yannick. Alors, évidemment, ça vous va droit au cœur, colonel Berthe. Oui, bien sûr. Alors, évidemment, les jeunes qui arrivent, je vous dis à peu près 400 jeunes qui arrivent en situation d'illettrisme, degré 1 ou degré 2. Hein. Donc, degré 1, c'est comme on commence à avoir des repères structurants. On a plus de repères structurants. Donc parler de degré par rapport à l'illettrisme. Oui, hein. C'est en fait une catégorie des paliers, en fait, si vous voulez, de compétences de base de l'Association nationale de lutte contre l'illettrisme. Et on considère que les gens sont en situation d'illettrisme lorsqu'ils sont dans les degrés 1 et degré 2. Voilà. Donc, et chez nous, ça représente, je vous dis, donc 37% des jeunes, c'est-à-dire à peu près 400 jeunes par an. Mais sur le, ça va droit au cœur, bien sûr. Mais en fait, derrière, c'est tout le travail qui est fait par les gens du SMA, mais surtout par ceux qui s'impliquent dans ce métier particulièrement. Au SMA, on a quand même deux personnels détachés du rectorat pour nous aider. On a des engagés de service civique qui font ce travail-là, qui sont des répétiteurs. Et on a aussi ce qu'on appelle des volontaires techniciens. Ce sont des Réunionnais qui s'engagent sous contrat militaire et qui vont aider les plus jeunes en difficulté. Parliez de répétiteurs pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Eh bien, en fait, ils vont faire les répétiteurs. Ils vont accompagner les jeunes par cohorte. Ils vont leur faire des cours, des cours de remise à niveau, essentiellement du français, mais un petit peu de mathématiques. Ils vont pas leur apprendre à lire. Ils vont leur faire rédiger des textes. Ils vont leur faire comprendre des textes. Et puis, ils vont les aider également. Et vous évoquez le numérique à mettre en œuvre ce qu'on appelle chez nous un logiciel qui s'appelle Smalfa. C'est du numérique. Et ça va permettre de faire des profils à des jeunes qui vont être derrière cet ordinateur, de manière à ce qu'ensuite ils aient des exercices ciblés sur. Donc on s'appuie aussi sur le numérique pour lutter contre l'illettrisme dans nos régiments. Alors c'est vrai que en plus de la lecture, de l'écriture ou du calcul, il y a cette nouvelle compétence qui est apparue il y a quelques années, la maîtrise des technologies de l'information et de la communication, et ça a même un nom pour ceux qui n'arrivent pas à maîtriser ces techniques, ça s'appelle l'électronisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte localement, Johnny Dijoux? Bien sûr, tout à fait. Depuis 2006, de par le recommandement de l'Europe, du Parlement européen, la compétence numérique fait partie des compétences clés. Donc à partir de là, aussi bien des associations ou des organismes de formation ont pris en compte que l'ordinateur, tout ce qui est digital, peut d'une part servir de support pédagogique pour permettre aux gens d'accéder à l'information, à la connaissance et travailler aussi les mathématiques. Et en même temps, faire en sorte que les populations qui sont un peu éloignées de l'écrit ne restent pas au bord du chemin par rapport au numérique. Donc ne pas aller vers la fracture digitale, au contraire, lutter contre cette fracture digitale. Le terme d'électronisme aurait été employé pour la première fois par Lionel Jospin, hein, pour la petite histoire, dans un discours à Hourtin en Aquitaine, c'était en 99. Ça correspond à un manque de connaissance des clés nécessaires à l'utilisation des ressources électroniques. Voilà, en gros, comment on définit l'électronisme. Intégrer le numérique aux apprentissages, Valérie Huénard, est-ce que ça c'est ce qu'on fait aussi dans les cases à lire? On a des cases à lire, effectivement, qui sont parfois même celles de Saint-Pierre, spécialisées dans le numérique. Et on voit bien, quand on évalue les compétences des gens à la sortie, qu'ils ont fait un bond en compétences numériques. Et donc, on les a accompagnés à sortir de l'électronisme, comme vous dites si bien. Et ça, c'est important. Donc, on a de toute façon, dans les cases à lire, le passage, comme disait le colonel, à un moment de l'écrit au numérique et du numérique à l'écrit, ce qui permet d'accompagner les gens à corriger parfois des fautes ou à trouver des mots, aller chercher au niveau informatique et donc du coup de découvrir autre chose. Et comment ça se fait? Ça se fait avec des spécialistes ou ce sont des cours de vulgarisation? On a les animateurs dans les cases à lire. Ces animateurs sont formés depuis maintenant 3 ans par la collectivité régionale sur un programme de formation qui dure 1 an et qui est fait avec des spécialistes en éducation, en illettrisme ou en pédagogie. Et donc, ce sont bien ces animateurs qui accompagnent au quotidien les personnes accueillies dans les cases à lire. Parce que la difficulté maintenant, c'est le choc aussi des générations, colonel. C'est le fait d'avoir des gens plus âgés qui ne maîtrisent pas ces techniques alors que leurs enfants le font au quotidien, peut-être. À La Réunion, c'est certain qu'il y a ce choc, choc d'ailleurs qu'évoque un petit peu M. Dijoux en parlant de ceux qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui eux, n'ont pas bénéficié de tous les dispositifs, peut-être, par le passé. Au SMA, on n'a pas ce choc parce qu'on est réservé notre cible, c'est les 18-25 ans. Néanmoins, on voit bien que la génération qui arrive est encore plus numérisée que celle qui l'a précédée, et notamment ma génération, mais ça se voit chez nos enfants. Et d'ailleurs, il faut être vigilant parce que bien sûr que le numérique, il y a une fracture numérique, sans doute, il y a peut-être mais finalement les jeunes, c'est le que je vois moi, c'est pas finalement la fracture qui est la plus importante, puisque finalement ils ont touché à un smartphone, ils ont déjà touché à Internet, et c'est très bien, puisque demain vous devrez déclarer vos impôts sur Internet, il n'y aura pas d'autre alternative. Oh, ils seront prélevés à la source, donc on ne sait plus. voilà, mais en tout cas, oui, mais je dis ça parce que. Un de vos auditeurs posait une question par SMS en disant comment on est arrivé là. Le numérique peut avoir un inverse, un inconvénient, c'est que vous lisez moins. Et si vous lisez moins, forcément, vous n'entraînez pas vos compétences de base que vous avez apprises à l'école. Ou on lit autre chose. Ou on lit autre chose, mais c'est pas voilà, pareil. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et on le voit aussi en écriture. Et puis, moi, je suis au contact avec plusieurs centaines d'employeurs, enfin, moi, le régiment. Et à un moment donné, il faut quand même savoir écrire une lettre de motivation. Et tout cela, ça s'entraîne par l'écrit et pas par le numérique. Voilà. Donc, il faut nuancer aussi sur la fracture digitale, ou en tout cas sur l'importance du numérique. Il y a double barrière, double difficulté, Johnny Dijoux, la manipulation elle-même de ces nouveaux outils, et puis l'incapacité à accéder au contenu de l'information numérique, à les comprendre aussi. Il y a deux choses, vraiment. Tout à fait. Il y a ces deux univers, donc double peine. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment des formateurs, comme disait Mme Bénard, formés, accompagner les publics en difficulté vis-à-vis de l'écrit, mais aussi pour mieux appréhender l'outil informatique, puisque l'environnement va nous solliciter, nous sollicite déjà de plus en plus vers le numérique. que ce soit des bornes, que ce soit le Pôle emploi pour se pointer maintenant, demain la CGSS, la Caisse de la Consolation familiale, toutes les administrations se mettent au numérique, on est dans l'ère du numérique, donc on n'y échappe pas. Vous évoquiez Pôle emploi, il y a une action demain par rapport à ça, je crois. Hein, Pas seulement demain. Pôle emploi s'est inscrit dans cette dynamique numérique cette année, avec plusieurs endroits, que ce soit à Sainte-Clotilde, à Saint-Benoît, notamment en association avec les Casalires de Sainte-Rose et de la Plaine des Palmis. Il y a des ateliers numériques qui sont prévus. Et je profite de l'occasion de dire que nous-mêmes, Carifouref, en association avec la Cité des Métiers, on a organisé tout un programme intitulé « Le verbe et la plume », dans lequel plusieurs ateliers autour du numérique sont inscrits, que ce soit aborder la notion d'électronisme avec le grand public, des échanges de pratiques avec des associations qui accompagnent déjà ce type de public. Et puis, on va aussi cibler un atelier autour des compétences clés, mercredi dans le sud et jeudi dans le nord, afin de voir qu'est-ce qu'on retrouve des IAS compétences clés, notamment la compétence numérique, et qui est liée aussi au nouveau dispositif clé A. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle des Casalires dans ces actions, et également Valérie Bénard? Les Casalires étant dans leur quartier, et c'est comme ça qu'on les a voulu, aujourd'hui elles travaillent avec un grand nombre de partenaires. Et il est vrai que ces derniers temps, le partenaire Pôle emploi est un partenaire qui est devenu privilégié, puisqu'ils sont passés entièrement au numérique pour l'inscription des demandeurs d'emploi. Et donc, il y a des partenariats qui se font maintenant, qui ont commencé dans le Nord et qui s'étendent au fur et à mesure, en partenariat pour pouvoir permettre aux Casalires d'accueillir des publics qui seraient en difficulté justement avec le numérique et du coup de pouvoir les accrocher, les accompagner plus loin dans le chemin de l'écriture. Le but d'une Casalire, c'est vraiment qu'elle ne soit pas seule dans son quartier, c'est qu'elle puisse travailler en partenariat avec les mairies, avec les services sociaux, avec la CAF, avec la Poste parfois, avec Pôle emploi, avec l'École de la Deuxième Chance, le RSMA. C'est vraiment la première marche qui doit vous emmener vers un autre parcours après. On a un nouveau texto au 06 92 70 2000. Un dicton chinois illustre bien votre sujet, nous dit cet auditeur ou cette auditrice. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Le RSMA qui vient en aide aux gens en difficulté en lecture et écriture, quelle belle initiative de sa part. Et cette personne nous dit, ou dit plutôt, bougez-vous les décideurs locaux. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que les décideurs ne suivent pas le mouvement, Valérie Bénard? On s'est engagé, en tout cas nous, à la Région Réunion depuis 2010, de manière forte dans le sujet de l'illettrisme. Et on continuera à s'engager sur ce sujet. Il y a effectivement plusieurs acteurs, le RSMA. On a aujourd'hui l'École de la Deuxième Chance, les Casalires, les dispositifs de formation avec, comme le disait Johnny, Cléa. Mais vous venez de le dire, donc au-delà de ces personnes qui s'impliquent, est-ce que le monde de l'entreprise, par exemple... Le monde de l'entreprise. En fait, on a un comité de pilotage illettrisme. Et depuis 2010, ce comité de pilotage qui était exclusivement réservé à l'époque à 5 partenaires institutionnels, a été ouvert au monde de l'entreprise par le biais des organismes collecteurs de fonds paritaires pour travailler justement sur la formation professionnelle, la formation des salariés qui sont parfois en situation d'illettrisme et qui préfèrent ne rien dire. C'est vraiment tous ces acteurs qu'on a mis autour de la table pour travailler. Bougez-vous les décideurs, dit cet auditeur, encore une fois, ou cette auditrice. Est-ce que, je vous pose la même question, colonel Berthe, vous qui dirigez le RSMA, est-ce que vous êtes bien suivi, bien accompagné? Je suis bien suivi, même très bien suivi. Moi, je travaille pas que dans le domaine de l'illettrisme, mais d'abord dans le domaine de la formation et de l'insertion avec beaucoup d'acteurs, y compris les entreprises, y compris les TPE, qui font des efforts de recrutement de jeunes parfois en difficulté, y compris les PME, qui pourtant ne recrutent pas tous les matins. Elles s'investissent pour justement aider la jeunesse. Moi, je parle de la jeunesse parce que c'est mon sujet. Mais donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a une inertie à La Réunion, ni même qu'il y a un manque de volontarisme. C'est vrai que le sujet de l'illettrisme est sans doute un sujet plus nouveau que d'autres sujets, que le chômage ou ces choses-là. Mais moi, j'ai quand même plutôt l'impression d'avoir des acteurs en marche pour aider la jeunesse, notamment la jeunesse en difficulté, et y compris sur le sujet de l'illettrisme. Et est-ce que vous avez l'impression, pour revenir à notre sujet central, le numérique dans ce problème de l'illettrisme, que l'e-exclusion, hein, on parle d'e-exclusion, est-ce que ça peut être une nouvelle source d'inégalité? Alors... Oui, ça peut être une source d'inégalité, mais c'est comme tout le reste. C'est-à-dire que ça commence par là, ça commence les inégalités, ça commence dans la famille. Voilà, ça commence dans la famille et les gens qui ont pas reçu de repères. Et mais je trouve qu'il y a des initiatives, il y a des idées. Regardez la région finance des ordinateurs lorsque vous entrez en classe de seconde. Donc, si vous voulez, il y a pas d'inégalité de l'argent de ce point de vue-là. Il y a quand même des possibilités aujourd'hui qui existent pour lutter contre ces inégalités et éviter que ce soit un frein. Oui, ça peut demain être une fracture, mais vous l'avez évoqué, moi je pense, c'est mon point de vue, que ça sera plus une fracture générationnelle qu'une fracture pour la jeunesse, qui pour le coup, elle a démarré beaucoup plus dans le numérique plus tôt que les générations précédentes. Vous donniez des exemples d'utilisation quotidienne du numérique. Johnny Dijou, tout à l'heure, utiliser un guichet automatique, faire des démarches administratives. On rédige un CV aussi de cette façon-là. On cherche un emploi, un logement, évoluer dans une entreprise, lire un mail. Il y a vraiment un risque de se retrouver isolé si on ne maîtrise pas tout ça? Oui, parce que comme je disais, la société, l'environnement exige cette compétence. Donc, si on n'entre pas dans le moule, dans le bain, probablement, on va être à côté. Et autant ça va nous servir sur l'axe professionnel, autant ça peut nous servir aussi sur l'axe personnel, individuel, que ce soit pour notre propre culture, aller chercher d'autres sources d'informations, se cultiver tout simplement. Donc, autant on peut lire le monde dans un livre, autant on peut lire le monde sur un ordinateur. Et comment vous essayez de compenser justement ce manque chez certaines personnes? Comment on les met à niveau? Alors, il y a des logiciels qui existent justement pour initier les gens à l'utilisation d'un ordinateur. Donc, les gestes simples qui nous semblent très, très, très, très simples, justement, pour ces personnes-là, c'est pas si simple que ça. Donc, se servir d'une souris, d'un clavier, c'est un monde vraiment presque extraterrestre pour ces personnes. Donc, il y a besoin d'un accompagnement pédagogique. Pédagogique. Et technique aussi? Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut des moyens. Donc, les associations, les organismes de formation sont soit subventionnés, soit payés pour avoir du matériel conséquent afin de faire du bon travail. Est-ce qu'on peut évaluer l'efficacité des dispositifs et comment vous évaluez la réussite des Casaliens, Valérie Bénin? Alors, on évalue effectivement les dispositifs en cours et au niveau des Casaliens, on est en train de mettre en place un dispositif de parcours pour les personnes qui sont accueillies aujourd'hui en Casaliens. On va donc pouvoir avoir leur niveau à l'arrivée dans la Casaliens, leur niveau en milieu de parcours et leur niveau à la fin du parcours. Il s'agira là d'un livret de suivi, puisqu'on est quand même sur des gens qui ont été fâchés avec les apprentissages, donc de reparler d'évaluation tout de suite, c'est très complexe. Il faut utiliser des mots oui, plus sympas. Il faut faire attention, parce que ce sont vraiment des gens qui ont eu un vécu difficile parfois avec l'écrit, avec la lecture, donc on sera là sur un livret de suivi, et ce livret de suivi permettra du coup d'évaluer la Casaliens en elle-même. On a déjà fait ce test l'année dernière sur 7 Casaliens en tout. Et on voit bien, par exemple, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui sur le numérique, sur la Casaliens de Saint-Pierre, qui est donc vraiment très axée sur le numérique, on a vu une évolution rapide des publics sur la compétence numérique. Alors, évaluation, c'est peut-être un mot qui fâche. Diplôme, c'est plus valorisant. Est-ce qu'il y a un diplôme à la fin? Il n'y a pas de diplôme à la fin de la sortie de la Casaliens, mais par contre, on a aujourd'hui, dans la loi de la formation professionnelle, un test qui s'appelle Cléa et qui donc permet de noter vos compétences sur 7 sujets en tout, donc le lire, l'écrire, le numérique, etc. C'est un test qui est reconnu par tous, donc le monde professionnel comme les organismes tels que la région. Et l'idée, c'est que chaque personne sortant de la Casaliens puisse passer Cléa de manière à pouvoir partir avec son livret de compétences Casaliens et son livret Cléa lui permettant de voir son évolution. Et le commandant du RSMA nous disait tout à l'heure 400 jeunes par an. Vous, dans les Casaliens, il y a combien de personnes? Alors, on est sur des jeunes et des moins jeunes. On a de l'intergénérationnel, ce qui permet justement parfois sur le numérique d'accompagner mais des personnes. Au total. On sera donc sur entre 500 et 800 personnes en fonction des années. 500 et 800 personnes, et c'est un cycle d'une année. Comment ça se passe? Alors oui, c'est un cycle d'une année. Ça peut être un peu plus ou un peu moins en fonction des besoins de la personne. Et donc, c'est un accompagnement individualisé. Ah oui, c'est un accompagnement individualisé de chaque personne. Sur le nombre, c'est vraiment le maximum. C'est déjà beaucoup, évidemment, 400 personnes. Est-ce qu'il y a une possibilité d'étendre le dispositif ? Alors, la question que vous posez, elle est celle du SMA. Vous savez que le service militaire adapté a doublé ses effectifs entre 2010 et 2017. Donc, on est presque... Parce que ça marche. Voilà, parce que ça marche. Mais quand je dis doublé, on passe de 3000 à 6000. Donc, c'est sûr qu'au regard des enjeux, on pourrait... Mais c'est déjà une sacrée manœuvre, je peux vous le dire. Alors, à La Réunion, je pense qu'on a atteint un certain seuil. Donc, on a à peu près 1100 jeunes par an qui viennent. Et 400, je vous dis, en situation diétrice. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de l'étendre. D'abord, je le vois dans mes recrutements, mais au-delà de ça, on est aussi derrière, ce sont des moyens, des ressources et des moyens humains. Donc je pense que pour l'instant, on a atteint un palier. Est-ce qu'on va vers une démocratisation du numérique ? Ce sera la dernière question, Johnny Dijoux. On est déjà dans le début, donc je ne sais pas dans combien d'années, mais tout le monde, déjà là, actuellement, je pense dans toutes les familles, il y a au moins un écran et puis des multitudes de smartphones. Oui, et forcément, on y vient parce que soit par habitude ou soit par contrainte pour certains, mais en tout cas, c'est l'usage qui veut ça, évidemment. Merci à tous les trois d'être venus au micro de Réunion Première parler de l'illettrisme à La Réunion. Valérie Bénard, conseillère régionale déléguée à l'égalité des chances, le colonel Jean-Vincent Berthe, commandant du RSMA. Merci. À La Réunion, et puis Johnny Dijoux, responsable du centre de ressources sur l'illettrisme, le CIRIL. Dans la chronique éco aujourd'hui, Tessa Groman s'intéressera à une start-up qui fait dans le photovoltaïque. Ce sera juste après Tias sur Réunion Première, si ou dit oui. Un petit fini bleu dans la bouche, papa il traîne, il est sous malais assis à tout. Pendant ça, là, il y a bref des nains qui rôdent ma neuf allée, lui préfère son boulot. Épouse, c'est pas une prière, va rallier la lumière. Si vous dites que vous bras les forts, si vous dites que vous foie les parents, alors ensemble, on a fait pousser une fleur dans notre fond de cœur. Camarade en chemin, nous fait le coq, nous donne coup de poing la douleur, il fait vivre à main. Travailler pour un bon salaire, sinon ça, mieux pour être chômé en ma mère, ou qu'on est moins fier. Et pour moi, c'est pas une prière, par allume la lumière. La tête à vivre, toute mémoire, toute valeur, les temps, toutes histoires à suer, c'est un début d'espoir. Mais avec toutes nos prières, il faut nous marcher en frais. Si vous dites que vous bras les fonds, si vous dites que vous foi les parents, alors ensemble, on a fait pousser une fleur dans notre. Dans notre fond de cœur. Oh, Elias sur Réunion Première, Sioudi. Dans la chronique éco, Tessa Gromane nous fait découvrir aujourd'hui un site internet qui en un clic calcule le potentiel de votre maison pour fabriquer de l'énergie solaire. Une start-up qui s'appuie sur les données de l'Institut National de l'Information Géographique et qui s'appelle InSun We Trust. Elle couvre déjà tout l'Hexagone et s'ouvre bientôt à l'Outre-mer. La chronique éco, Tessa Gromane. La start-up s'adresse à ceux qui envisagent de passer à l'énergie solaire, entreprise ou particulier. Il suffit qu'ils rentrent leur adresse sur le site InSun We Trust et celui-ci leur calcule instantanément les coûts et les gains d'une installation photovoltaïque sur leur toit. Cette prouesse est due à la modélisation en 3D de tout le territoire français réalisée par l'Institut National de l'Information Géographique. Des données auxquelles InSun We Trust a accès, ainsi qu'à celles du satellite Météosat. David Calegari est l'un des co-fondateurs d'InSun We Trust. Si par exemple vous avez toute votre toiture dont la surface est disponible qui est orientée au nord, bon déjà là il n'y a pas besoin de faire des calculs savants, a priori ça ne va pas trop bien se passer. Mais vous pouvez avoir par exemple un bâtiment voisin qui crée de l'ombre 30% dans la journée, là du coup c'est un petit peu moins clair. Vous pouvez être orienté à l'est, donc l'est c'est mieux que le nord mais c'est moins bien que le sud, donc c'est des calculs qui sont un peu plus compliqués aussi. Donc voilà, nous c'est ce qu'on fait, on est capable de déterminer automatiquement à distance l'orientation de votre toiture, l'inclinaison, les ombrages qui sont créés par les bâtiments voisins, et aussi de détecter les obstacles qu'il peut y avoir, comme par exemple des chiens assis, des cheminées, des vélux, etc. Et donc on va automatiquement dire « cette portion-là n'est pas exploitable ». Une fois le diagnostic établi, InSun We Trust accompagne les utilisateurs dans la recherche d'un artisan pour installer les panneaux solaires sur leur toit. Un professionnel de confiance, labellisé et testé par la start-up. Aujourd'hui, l'énergie photovoltaïque est autant un mode d'investissement que de consommation, car l'électricité produite peut être revendue à EDF qui s'engage sur des contrats de 20 ans. David Calegari. Les gens ne sont pas conscients que mettre du solaire, c'est pas simplement un geste pour la planète, c'est aussi déjà un pari sur l'avenir, parce que plus le solaire va se développer, plus on aura accès à une énergie à faible coût et à une énergie propre, mais aussi parce que dès à présent, ils peuvent avoir une rentabilité financière. On a des taux de rentabilité qui vont de 6 à 10% par an sur une période de 20 ans, ce qui sont des rendements qui ne sont pas trouvables par d'autres placements à l'heure actuelle. Si l'Outre-mer est un lieu propice à l'utilisation du photovoltaïque, l'installation des panneaux solaires peut se révéler plus coûteuse que dans l'Hexagone en raison de l'acheminement du matériel. InSun We Trust limite ses algorithmes aux habitants de la métropole, mais la start-up veut étendre ses compétences à l'Outre-mer. Un projet pilote doit être mis en place aux Antilles en 2017. Retrouvez la chronique éco en podcast sur lapremière.fr. La chronique éco, c'est tous les matins vers 6h25 et le midi à 1h05. Tout à l'heure, après le journal de France Info à 13h, dans Tous en Première, on entendra l'interview de Marcel Puy. À deux jours du départ du Grand Raid, comment se sent la quintuple gagnante de cette course? Peut-elle prétendre à une sixième victoire? Elle a accordé un entretien à Loïs Mussard à réécouter tout à l'heure à 13h30. Et puis dans l'actu insolite, on va voyager dans le passé grâce à des étudiants toulousains qui ont ressuscité le Minitel. Et oui, c'est dans l'actu insolite, donc à suivre tout à l'heure à 13h20. Et puis bien sûr, vos rendez-vous habituels, le zapping préparé par Jackie et Connect Première avec Pascal Rizzo. Voici Dizri sur Réunion Première Live. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Spring. C'était Ina Modja sur Réunion Première, originaire de Bamako, la capitale du Mali. Monsieur Sainte-Nitouche, French Cancan. Comme tous les après-midi, ça va se couvrir cet après-midi. Bulletin météo complet, juste après le journal de France Info. Il est 13h, voici donc le journal. L'info, c'est avec Virginie Lebrun. Bonjour Virginie. Bonjour. 500 policiers ont manifesté cette nuit sur les Champs-Élysées à Paris. Une mobilisation lancée par SMS. Ils se sont d'abord rassemblés près de l'hôpital Saint-Louis, où est encore hospitalisé l'adjoint de sécurité très grièvement brûlé le 8 octobre dernier à Viry-Châtillon dans l'Essonne. On en reparle avec Mathilde Lemaire dès le début du journal. Au moment où tout le monde s'inquiète de l'arrivée de la grippe, c'est la gastro-entérite qui affole les statistiques des médecins. Le virus a atteint son seuil épidémique. Il a 3 mois d'avance sur la période habituelle. Et puis, retour également dans ce journal sur le troisième volet des aventures du plus célèbre surfeur peroxydé aux répliques cultes, j'ai nommé Brice de Nice. France Info. Ils n'ont pas le droit de faire grève et ils ont rarement le droit de descendre dans la rue pour faire entendre leur mal-être. Et pourtant, cette nuit, ils étaient 500 dans les rues de Paris, 500 policiers venus de toute l'Île-de-France, des fonctionnaires en civil, quelquefois le visage masqué, qui ont laissé éclater leur colère pendant 2 heures entre l'hôpital Saint-Louis et les Champs-Élysées. Une manifestation sans banderole ni syndicat, juste pour dire leur malaise 10 jours après l'agression au cocktail Molotov de 4 de leurs collègues dans l'Essonne. Écoutez le reportage de Mathilde Lemaire cette nuit dans les rues de Paris. Un appel lancé par SMS et les policiers convergent nombreux vers l'hôpital Saint-Louis vers 23h. À l'intérieur, leurs collègues toujours dans le coma après l'attaque au cocktail Molotov du 8 octobre. Moment de solidarité solennelle. Dans la discrétion, certains fonctionnaires ont le visage caché. Les 200 véhicules quittent